that Jesus didn't know how serious. Es ist nicht, dass Jesus keine Rücklagen hatte, keine Spartes hatte. Ça veut pas dire que Jésus-Christ lui-même n'avait pas d'économie. If he did not have savings, when he was going to feed thousands with two fish and five loaves, it will not work. Wenn er keine Ersparnisse gehabt hätte, hätte er die tausende Leute mit fünf Broten und zwei Fischen nicht satt machen können. Mm. Parce que s'il n'avait pas d'épargne, il n'aurait pas été capable à nourrir les mille avec deux poissons et cinq pains. Remember, he did not go to bank. He did not go and be looking for people to give him money. Bank gegangen, are you getting it? Sich Geld geliehen. He came here to teach us how to live his life. Er kam hier, um sein Leben beizubringen. Aber wenn wir wachsen? Parce que quand il a dû nourrir les mille, il n'est pas parti à la banque pour retirer de l'argent, ou il n'a pas commencé à demander aux gens qui étaient présents. Non, il s'est concentré sur ses épargnes. Et il est venu pour nous montrer comment vivre sa vie. Et donc, il a été un exemple pour nous. Mm-hmm. You know, Elijah, they will believe more than us. Elijah, the Syrian army, you can count them. Mm-hmm. You know, the panic. Here today, a pastor will be, they will, maybe he will faint. They will wake him, they will be pouring water on him to wake up. Mm. Are you getting it? Hey, police has come. This has, hey, where are we going? What are, you can, the fear that will be, you know, but you can see how they were able to move. Mm. The Bible said what they had. What we have is greater than what they have. Amen. Upon all. Und auch Elia, sie standen vor der syrischen Armee und hatten keine Angst, haben dennoch geglaubt und vertraut. Aber heutzutage, wenn das heute passieren würde, würden einige Pastoren ohnmächtig werden. Man müsste sie reanimieren stundenlang, weil man einfach nicht glaubt und von Angst geleitet ist. Élisée, par exemple, il n'était pas en panique quand il a affronté l'armée syrienne, parce qu'il était conscient de sa personne, il était conscient de son père. Et quand est-ce que nous, on sera conscient de ce fait qu'on est ici, mais pas d'ici? We don't have any natural things. Wir haben keine natürlichen Dinge. On n'est pas en position des choses naturelles. Because we belong to the supernatural world. Weil wir zur übernatürlichen Welt gehören. Parce qu'on appartient au monde surnaturel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We don't have any natural things. Not at all. Nous avons aucune chose naturelle. But do we believe that we don't have it? Mais glauben wir das? Mais est-ce qu'on le croit réellement? Amen. Amen. You know, we have savings. We have savings. If even we are full of debt here. Aber wir voll von Schulden sind. On a un compte d'épargne, on a des économies, même si ici sur Terre, on a des dettes. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. But it depends on what you call your service. Is it the one, like the king of, like the old church? They could see, for them it was having the natural king, and then you have king, and not having the supernatural king. And not having Christ as your king. I don't know. Es kommt natürlich darauf an, was du als Ersparnis siehst. Ne? Genauso wie die Kinder Israels. Sie hatten einen König, aber sie haben diesen König nicht als König erachtet, weil sonst hätten sie sich nach einem anderen König gesehen. Nicht nach einem anderen König gesehen. So best. Et, ouais, c'est la même chose. Et c'est comme, encore une fois, avec les enfants d'Israël. Ils avaient un roi, mais ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient un roi. C'est pour ça qu'ils ont envié le monde et ils ont voulu avoir un roi naturel. You know, Peter, Paul and others, they did not have any natural savings. Petrus, Paul und andere, sie hatten keine natürlichen Ersparnisse. Sie hatten nur das Supernatürliche. Even we have any, well, no matter how much you have in the bank, see it as supernatural. Mm. Egal wie viel du auf der Bank hast, sieh es als übernatürlich an. Mm. Et on peut voir que Pierre, Paul et les autres, ils avaient pas des ressources, non, plutôt des économies naturelles. Tout ce qu'ils possédaient était surnaturel. Mm-hmm. Amen. Donc peu importe ce que tu possèdes, ça doit être surnaturel. Tu dois le voir comme surnaturel. You know, I never read anywhere in the Bible that anything bank. Are you getting it? Maybe there was no bank then. Nothing. Or they were not buying anything. Amen. Amen. Et, amen. J'ai jamais vu dans la Bible que Jésus ou les disciples sont partis à la banque. Praise the Lord. Alléluia. They never see any other thing as their savings except us. Sie haben nichts als ihr Erspartes gesehen außer die Bank. Außer Christus. Ah, nee, wir, also wir. Nur mich. Donc pour eux, les seuls les économies qu'ils avaient, c'était nous aujourd'hui. Amen. Amen. You know, the natural people have their natural savings. Die natürlichen Leute haben ihre natürlichen Rücklagen. Donc les gens naturels ont leurs épargnes naturelles. You know, when Peter, Paul, when they were alive, there were other people alive, the natural people. It was not only Peter and Paul and the disciples that were alive. As Petrus und Paulus, others were alive. Mm. Those were saving, they were having their natural savings. Mm. While Peter, the disciples, and those that follow Christ, they were having their supernatural savings. Mm. Are you getting it? Mm. But it's Peter and others, their supernatural savings are still here today. But that was others, where are they? Und auch zu der Zeit, wo Petrus und Paulus physisch hier auf Erden waren, gab es auch andere natürliche Menschen. Diese natürlichen Menschen hatten natürliche Ersparnisse. Petrus und Paulus hatten übernatürliche Ersparnisse. Und diese übernatürlichen Ersparnisse sind bis heute immer noch da, nämlich wir. Aber die Ersparnisse dieser Menschen, die jetzt schon lange sozusagen weg sind, in der Hölle sind, wo sind diese Ersparnisse geblieben, die natürlichen? On peut voir la différence entre si un enfant de Dieu est en train d'économiser ou le monde. Parce que pendant le temps de Paul ou de Pierre, par exemple, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient en train d'économiser. Mais où sont leurs épargnes aujourd'hui? Nous, on est vivants aujourd'hui. On peut dire que les épargnes de Paul, de Pierre et les autres disciples sont toujours là. Mais où sont les épargnes des gens mondains qui sont en enfer aujourd'hui? Amen. Amen. For Peter, Paul, and others of Christ, their saving is forever. Für Petrus, Paulus und Christus, Peter too, Christus, diese Ersparnisse only Christ that sind is für immer. Denn nur Christus ist für immer. Et les épargnes de les apôtres ou de Paul sont pour toujours, parce que c'est seulement le Christ qui est pour toujours. There's no end to our savings. Es gibt kein Ende für unsere Ersparnisse. C'est pour ça que nos économies sont sans fin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. First Peter. No, we are not going there. Ah, okay. Go to Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. Verse 19 and 20. Matthieu 6, versets 19 et 20. Praise the Lord. You can draw my savings here. Amen. Je pense, Rücklagen. Tu peux même écrire ici des économies, des épargnes. Amen. He said, lay not up for yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thief break through and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. Then in verse 21, it now talks about our savings and our heart. In 21 spricht er über unser Erspartes und über unser Herz. In 21, maintenant, il parle de nos épargnes et de nos cœurs. You see that? Mm. It's where our service is. That's where our heart will be. Und wo unser Erspartes ist, wird unser Herz sein. Parce que là où nos trésors se trouvent, là aussi sera nos cœurs. For where your treasure is, there will your heart be also. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Parce que là où ton ton trésor est là, ton cœur est aussi. Amen. Amen. And it should not be mixed. That verse 20, the next verse. The next verse and the other verse. It says it should not be mixed. Und darf nicht vermischt werden. You see, it's in heaven, but it's also here. Dass dein Fokus auf dem Himmel, dass dein Fokus auf dem Himmel ist und auf Erden. On ne doit pas le mélanger, on ne doit pas avoir nos trésors en deux places, donc pas dans le royaume des cieux en même temps ici sur terre. Amen. Jesus has savings. Jesus hat Ersparnisse. Jésus-Christ a des économies. Apart from you and me, he's saving. He still has savings in heaven. Abgesehen von dir und mir hat er auch noch Ersparnisse im Himmel. Donc à part toi et moi, Jésus-Christ a toujours des économies, quelque chose de côté, des épargnes dans le royaume des cieux. In Matthew 14, verse 19. Matthäus 14, verse 19. Dans Matthieu 14, verset 19. He tap into his savings. Da he look unto heaven. Schaut er in den Himmel, da greift er in seine Ersparnisse. Là, il regarde vers le ciel et donc là, il est en train de prendre quelque chose dans son compte d'épargne. Are you getting it? Ouais. Amen. That you are owing anyone here on earth does not mean you don't have savings. Dass du hier auf Erden jemandem Geld schuldest, heißt nicht, dass du keine Ersparnisse hast. Juste parce que tu dois quelque chose à quelqu'un ici sur terre, ça veut dire pas que tu n'as pas d'épargne ici. Jesus also borrowed, though he has savings in heaven, and he also have us as his savings. Jesus hat auch he borrowed. Hat sich auch den hier auf Erden ausgeliehen, aber dennoch hat er Ersparnisse im Himmel. Et Jésus Christ a aussi emprunté les choses malgré qu'il avait son compte d'épargne dans le royaume des cieux, et il a aussi nous ici sur terre. He was going to do something. He borrowed a room. I don't know if you still remember that. Matthew 26, verse 18. Is there? Matthäus 26, he borrowed a room. Hat er sich ein Zimmer ausgeliehen? Hat er sich einen Esel ausgeliehen? Vier Dinge hat er sich ausgeliehen. Il a emprunté, par exemple, une chambre ou aussi un âne, par exemple. Amen. In Matthew 14, you know, he borrowed bread, two fish and five loaves. That was not his bread. It was a young, a little boy's bread. Es war das Mittagessen von einem kleinen Jungen. Et les deux poissons et les cinq pains, c'était aussi il a aussi emprunté cela parce que c'était la nourriture d'un petit garçon. Are you getting it? Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Merci à ça, il borrow axe. Amen. Il a doch ein Esel sich ausgeliehen. Encore une fois, il a aussi emprunté un âne. Praise the Lord. Alléluia. You know, Jesus borrowed. You know, if any rich man here today is going to do anything, do you think he will borrow? Wenn irgendein Reicher was machen würde hier auf Erden, that he had money to buy, er würde sich was ausleihen. Si quelqu'un de vraiment riche ici sur terre, est-ce qu'il va emprunter quelque chose? Will he borrow two fish and five loaves? Würde er zwei Fische und fünf Brotlaiber sich ausleihen? Est-ce qu'il va s'emprunter deux poissons et cinq morceaux de pain? Will he go and borrow a room to have his conference? Or Zimmer ausleihen, mieten, um eine Konferenz zu haben? Est-ce qu'il va il va emprunter une chambre pour avoir sa conférence? Correct. Ou sa réunion? Amen. Amen. He will not do that because of pride. Il va pas le faire à cause de. Will not borrow a donkey or ask to ride. De son orgueil. That they will say, go and look at it, say, borrow that. De sa fierté. You know, full of pride, but Jesus. Weil er keine Lust hatte, dass man ihm. We are not afraid to borrow. Ashamed. I mean, ashamed. Are you getting it? Yeah. We should never be ashamed. Wir sollten uns niemals schämen, uns Dinge zu leihen, so wie ein Reicher, der sich schämt, das zu tun, weil ihm danach gesagt wird, dass er sich das ausgeliehen hat, dass es gar nicht sein eigenes ist. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'avais jamais avoir honte d'emprunter quoi que ce soit. Pas comme la personne riche, par exemple, qui va jamais emprunter quelque chose parce qu'elle a peur de la perception d'autres personnes envers lui. Are you getting it? Praise the Lord. I've heard Christians said they never borrow. They just hate borrow. Ich habe schon Christen gehört, die gesagt haben, ich leihe mir niemals etwas aus. Und soll niemandem was schulden. Nur Liebe. Und deswegen schulde ich keine Menschen Geld. J'ai souvent entendu les gens dire que non, on n'a jamais emprunté quelque chose, on n'a jamais. La seule dette qu'on doit avoir envers d'autres personnes, c'est l'amour. We will not go to that area today. Maybe or Wednesday or next week. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The definition of all no man anything but Christ. Mm. Is that all no man anything but Christ, not the love of this world. Amen. Amen. Amen. But Christ. Christ is love. Wir sollen niemandem was schulden außer Liebe, aber Christus ist Liebe und wir werden auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, was die über die Definition über von diesem Vers. Et on va parler de cette verset où on dit qu'on doit la seule chose qu'on doit aux gens c'est l'amour, c'est le Christ. Le Christ est l'amour, mais on va en parler dans le prochain sermon. You know, actually, the Lord is evil, saying the Lord, if you. He said, you are owing no man anything. All you are owing them is he. Amen. He is not saying, oh, no man. He said, you are owing them nothing but he. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. And when we go there, we cannot get there today, I'm very sure. Amen. Amen. That's because the time has come. Amen. Amen. And, genau, und bei dem Bibelvers, dass du niemandem was schulden sollst, außer Liebe, da sagt er ja damit, dass du niemandem etwas schuldest, außer Liebe. Das heißt, das Geld, was du angeblich den Leuten schuldest, schuldest du ihnen nicht, weil du schuldest ihnen nur Liebe. If you are okay. Et donc, dans le verset là, il nous dit que même si tu. La seule chose que tu dois à ces personnes, c'est l'amour, donc c'est Jésus-Christ. Donc même si tu. Tu as emprunté quelque chose, ça ne veut pas dire que tu leur dois quelque chose, parce que la seule chose que tu leur dois, c'est le Christ. If you are even owing any man, who is owing them? It's Christ. Amen. Selbst wenn du jemandem was schuldest, wer schuldet ihn das? Christus. Parce que même si tu dois quelque chose à qui que ce soit, I don't know if somebody getting it. C'est le Christ qui leur doit quelque chose. Praise the Lord. Alleluia. As I said, we will not go to that area. Amen. Amen. We still have other things to quickly cover here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That Jesus borrowed does not mean he did not have savings. Dass Jesus sich was ausgeliehen hat, hieß nicht, dass er keine Ersparnisse hat. Juste parce que Jésus-Christ a emprunté quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'épargne. His savings is greater than any man's savings. Sein Erspartes ist größer als das Erspartes von irgendeinem Menschen. Parce que ses économies sont plus grandes que. Que l'économie de tout ce monde ou de qui que ce soit. Amen. Just like our savings is greater than any of their savings. Genau wie ihre Ersparnisse, wie unsere Ersparnisse größer sind als ihre Ersparnisse. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Nos économies sont plus grandes que celles de l'être humain. Are you getting it? Like you or me. So we do an ish. Come to Aimo. Let us allow the spiritual to control the physical. Amen. Lass zu, dass das Geistliche das Physische kontrolliert. Permet que l'esprit ou le spirituel contrôle le physique, le naturel. Yeah. Stop allowing your five senses to control you. Hör auf zuzulassen, hör auf dich von den fünf Sinnen kontrollieren zu lassen. Denn ihr System ist von den fünf Sinnen kontrolliert. Es basiert darauf. Arrête. Donc arrête de permettre aux cinq sens de contrôler ta. To control your. Control. Your five senses control your. Control. Control your. Du sollst nicht von den fünf Sinnen kontrollieren lassen. Weil control your step. Okay. Donc your, de permet. Your five senses. Their five senses is being. Their five senses and the system of this world. Is controlling them. Their five senses work with the system of this world. Mm-hmm. And you don't allow their five senses to control you. Because your five senses to control you. Because your five senses work with the system of this world. Amen. Mm-hmm. Donc, encore une fois, on doit pas permettre que nos cinq sens contrôlent nos vies. Parce que les cinq sens marchent avec le système de ce monde. Yeah. Et si le système de ce monde guide nos cinq sens, c'est le monde qui va nous contrôler, nous guider si on suit nos cinq sens. Comme praise the Lord. Je voudrais que je me réponde. Your five, stop allowing your five senses to see depth. Und not haben zu lassen, dass sein Sinne Schulden sehen und nicht den Himmel sehen. Ne permet pas à tes cinq sens de voir tes dettes, par exemple, et pas le royaume des cieux. Is somebody getting it? Mm. And how to get out of it is by seeing heaven. Wie sehen wir das? Remember James 4, verse 7. Wie sehen wir das? Wie kommen wir da raus, indem wir in den Himmel schauen? How to get out of it? To train to see heaven. Mm. It says resist, how to resist Satan. How to get out of it. You resist Satan, how? You submit to Christ. And you see heaven. That's how you get out of it. Wir übergeben uns Christus und so widerstehen wir dem Satan. Wir schauen auf den Himmel und so widerstehen wir dem Satan. Donc, si tu te soumets au Christ, c'est là que tu résistes au diable. Donc, si tu es concentré sur le royaume des cieux, tu te concentres sur le Christ, tu te soumets au Christ, donc automatiquement tu résistes aussi au diable. Amen. Amen. Learn to remember heaven, please. Lernt euch an den Himmel zu erinnern. Jesus will never forget heaven. Say, I'm from there. And believe you are from there. Amen. You are no longer from any woman's womb. Mm. Du bist nicht von dem Schoß von einer Frau, du bist vom Himmel. Donc on doit s'entraîner à toujours voir le royaume des cieux. Jésus-Christ a toujours vu le royaume des cieux. On n'appartient plus à ce monde. On n'est plus le fruit des entrailles d'une femme. Non, on appartient au royaume des cieux. It's not somebody that carried me for 9 months. Somebody that died for me. Amen. Yeah. Nicht jemand, der mich 9 Monate getragen hat, sondern carry jemand, der für mich gestorben ist. Then I go to hell later. Donc, il s'agit plus de la femme qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, par exemple. Non, il s'agit de la personne, du Dieu qui a laissé sa vie pour toi. Are you getting it? Mm. Without Christ is hell. Amen. Et ohne Christus ist die Hölle. Parce que sans le Christ, on est en enfer. Amen. Amen. She carried me for 9 months. Without Christ, I go to hell. Mm. It's better she did not even carry me. Für 9 Monate getragen zu werden und dann in die Hölle zu gehen, das ist doch besser, gar nicht existiert zu haben, gar nicht auf diese Welt geboren zu werden. Mm. Donc, être concentré sur le fait qu'une personne t'a porté pendant 9 mois et après ça partir en enfer, c'est même mieux que tu n'aies jamais vu le jour. Amen. Learn to grow out of the flesh. Mm. Lern aus dem Fleisch rauszuwachsen. Donc, tu dois vraiment apprendre à sortir de la chair ou à grandir en dehors de la chair. You now have one mother, that is Christ Jesus. Das ist eine Mutter. No, das ist no, and nobody else. Und niemand anderes. You now have one father, that is Christ Jesus. You now have one brother and sister, that is Christ Jesus. You now have just one friend, and it's Christ Jesus. Amen. Du hast einen Freund und das ist Christus Jesus. Tu as maintenant un ami, c'est Jésus Christ. Tu as une mère, tu as une père. Tu as un frère, tu as une sœur et tous et tout toutes ces personnes c'est seulement Jésus-Christ. Heaven our savings. Der Himmel unser Erspartes. Le royaume des cieux nos économies. Christ our savings. Christus unser Erspartes. Jésus-Christ nos épargnes. Amen. We save more than them. Wir sparen sogar mehr als sie. On économise même plus que le monde, que l'être humain. Just like our Christ Jesus, our King is greater than any of your kings. Genauso wie unser König. So also we save more than them. Größer als sie. Our service is greater than whatever your Könige. Please understand it. Was müssen wir verstehen? On doit vraiment le comprendre parce que notre roi est plus grand que leur roi. Nos économies sont plus grandes que leurs économies. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Again, Christ Jesus as our King is greater than any natural king. Christus Jesus als unser König ist größer als jeder andere König. Encore une fois, Jésus Christ, notre roi, est plus grand que chaque roi naturel. So also our service is greater than any other. Genau, ist auch unsere Rücklage größer als ihre. Et la même chose, le même fait compte pour nos économies. We save all. Wir sparen alles. Is somebody getting nous, it? We save all. Did I say we left all? We save all. Genauso wie Petrus gesagt hat, wir haben alles verlassen, alles zurückgelassen, so sparen wir alles. So comme Pierre a dit, on a tout laissé, c'est de la même façon qu'on est en train de tout économiser. Praise the Lord. Alléluia. Markus? We save all. Wir sparen alles. Mark? Mark 10. Markus 10. Mark 10. 28. 28. Amen. Amen. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. Whatever you leave for Christ is savings. Alles für Christus zurücklassen, mm-hmm. seine Ersparnis, seine Rücklage. It's your savings. Mm-hmm. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et tout ce que tu quittes pour le Christ, mm-hmm. et, tu l'économises directement. Amen. Amen. Remember, not please, not something here. Peter said we left all. Petrus, meaning all. Hat gesagt, wir haben alles zurückgelassen. Er meint damit alles. All. Mm. And not some. Nicht nur einiges. Donc, et quand Pierre dit qu'il a tout quitté, ça veut dire qu'il a vraiment tout quitté. Pas certaines choses. Il a tout quitté. We left all, meaning we saved all. Wir haben alles verlassen, heißt, wir haben alles gespart. Wir haben alles verlassen, heißt, wir haben alles gespart. On a tout quitté, ça veut dire qu'on a tout économisé. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In Mark 10, verse 21. Markus 10, Vers 21. Mark 10, verset 21. You know, the Bible always demands, you know, Christ always demands all. Christus fordert immer alles. The natural world is some. Mm. Der natürlichen Welt ist es einiges. Mm. Et on peut voir que dans le monde du Christ, le Christ veut, il veut tout avoir. Donc il exige tout. Mais le monde, c'est seulement certaines choses, pas tout. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever, sell all. Verkaufe that alles. Thou hast. Vend tout. Sell all. Verkaufe alles. On doit tout. Vend tout, ouais. And give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. Amen. Amen. And come, take up your cross and follow me. Don't have anything before you follow me. Mm. Give everything away, then come give and follow me. To us and follow me now. Mm. Donc donne tout ce que tu as et suis-moi. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Oh, thank you, Jesus. It means there is savings in heaven. Das heißt, es gibt Ersparnis im Himmel. Ça veut dire qu'il y a des économies dans, amen. Dans le ciel. It says so that you have treasure in heaven. It means there is savings in heaven. Ça, es gibt Ersparnis im Himmel. Ça veut dire qu'il y a des parades, il y a des, sorry, il y a des économies dans le ciel. Amen. Amen. The natural world has to give up. Die natürliche Welt hasst es alles zu geben. The system is not giving up. They give some. They try to give some. Ist nicht alles. Are you getting it? Es ist einiges. Donc, le système de ce monde déteste de tout quitter, de tout donner. They pick and choose what they give. Sie entscheiden, was sie geben. Ils choisissent ceux qui vont donner. Are you getting it? Mm. Religion pick and choose what they give. Religion guckt, was sie nimmt und was sie nicht, was sie gibt und was sie nicht gibt. La religion choisit ce qu'elle va donner et ce qu'elle va garder. Peter said we left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. Mais Pierre a dit, on a tout quitté. He was not even talking about money alone. Er hat nicht nur über Geld gesprochen, über alles. Il a pas seulement parlé de l'argent, mais including de tout. Himself. Auch he selbst. Left himself. Er hat sich selbst hinterlassen. Mm. Et il s'est pas exclu. Are you getting it? Mm. He left it. It's time. You know, it's time. Save, you know, the service is also time. Mm. Time, you like your service. Mm. Amen. Mm. The time. Deine Zeit hat er auch zurückgelassen. Il a tout quitté. Sa propre personne, même son temps. Amen. Amen. They no longer spend time with what they used to spend time mm. with. Are you getting it? Mit dem Feuerzeug verbrachten. Donc, il a tout quitté, même son temps, parce que le temps qu'il passait à faire d'autres choses, il ne le fait plus. What they used to call family, the natural family. Haben vorher. They left all. Haben sie alles zurückgelassen? Ils ont tout quitté, ceux qu'ils appelaient la famille naturelle, ils l'ont quitté. What they used to call, you know, if I say family, brothers and sisters, so on, call, so on and so forth. Friends, home. That's why in verse 29, look at verse 29. Are you getting it? Look at verse 29. Verset 29. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath saved house, left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel. But he shall receive a hundredfold now. In this time. Do you see it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It's not just money alone. We save everything. We save all. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. On économise tout. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Live there for Christ and not for yourself. Verlasse es für Christus und nicht für dich selbst. Donc tu dois le quitter pour le Christ, pas pour toi-même. You know, I've heard a lot about it, some evil people. They don't, you know, doctors without borders. Have you heard it? Mm-hmm. They just leave everything and go to Africa and be suffering there. Mm-hmm. And they said they left everything. For who? Mm-hmm. It's all about themselves. Mm-hmm. For who? Mm-hmm. Here Jesus said, for my sake, for my sake and the gospel. Mm-hmm. And now for yourself. Mm-hmm. Und hier geht es nicht darum. The news is, you know, all these the channels, they are president. Mm-hmm. They bring them out and say, you can just left everything. Mm-hmm. Und hier geht es nicht darum, einfach irgendwas zu verlassen, wenn man es verlassen will, sondern es geht darum, dass es um Christus Willen zu verlassen. Weil es gibt viele Ärzte beispielsweise, Ärzte ohne Grenzen nennen sie sich, die in arme Länder fliegen und dann dort als Ärzte arbeiten und dort Leute versorgen, die sich die normale Versorgung nicht leisten können. Sie verlassen auch alles, verlassen ihre Familie, ihre Freunde, ihre Häuser, alles lassen sie zurück, um dort draußen zu helfen. Aber für wen machen sie das? Nicht für Christus, sondern für sich selbst. Mm. Et il s'agit pas de quitter tout pour sa propre personne ou même pour une autre personne. Il s'agit de tout quitter pour Jésus-Christ. Il y a les médecins sans frontières, par exemple, qui vont, eux aussi, ils vont tout quitter, ils vont tout laisser derrière eux pour aller dans les pays du troisième monde pour aider les gens là-bas. Mais si tu le fais pas pour le Christ, ça te sert à rien. Amen. Amen. For yourself, mean for Satan. For yourself, says for Satan. Parce que quand tu le fais pour toi-même, ça veut dire que tu le fais pour le diable. You know, mothers. Les mères, par exemple. They say they leave everything, including Jesus, for the family. Sie sagen, sie haben alles zurückgelassen. They left everything, including Jesus. So that they can save the family. Damit sie die Familie retten. They are now their savior. Sie sind jetzt der Retter der Familie. Les mères, par exemple, ils ont tout quitté, même Jésus-Christ, pour sauver leur famille, pour sauver leurs enfants. Ils sont devenus des sauveurs, alors. They believe they left all. Ils glauben, dass sie alles verlassen haben. Ils ont l'impression d'avoir tout quitté. It's all about them. Es geht nur um sie. Mais il s'agit seulement d'eux. Ils ont tout quitté, mais jamais leur propre personne. Und die Familie singt ihren Lobpreis. Les familles vont commencer à les glorifier, à les louer. Amen. The family clap for them. Die Familie feiert sie, preist sie, lobt sie. Amen. La famille va maintenant applaudir pour eux. The family loved them. Die Familie liebt sie. The love of this world. Mit der Liebe dieser Welt. That's not in Christ. Das ist Christus, das ist Christus nicht zu finden. Et la famille va commencer va les aimer, mais avec l'amour de ce monde, pas avec Jésus-Christ. They also have reward. Sie haben auch einen Lohn. No, from the family. Von der Familie kriegen sie einen Lohn. Et ils vont aussi être récompensés. Récompensés, mais par la famille. Amen. They have reward. They receive reward from their family. Just like Jesus, you know, here. He said, for my sake and the gospel, verse 30. They shall receive an hundredfold now in this world. In both sides, there are rewards. But yes. From their family. Ein Lohn, entweder von Christus oder von dem Fleisch. Sie kriegen ihren Lohn von der Familie. Vom Fleisch, vom Satan kriegen sie ihren Lohn. Et on doit être conscient que si on est récompensé par la famille, on est récompensé par le diable, parce que c'est la chair qui te récompense. Amen. Amen. Like Jesus said in Matthew 6. So wie Jesus sagt in Matthäus 6. Comme Jésus-Christ dit dans Matthieu 6. Praise the Lord. Matthieu 6. Amen. From verse 1 to 6. Matthieu 6 von 1 bis 6. Matthieu 6 de 1 à 6. He said, take heed that you do not your arm before me to be seen of them. Otherwise you have no reward of your Father which is in heaven. Amen. Amen. Therefore, when thou doest your arms, do not sound trumpets before them, as the hypocrites do in the synagogue and in the street, that they may have glory of men. Verily, verily, I say unto you, they have their reward. You see? Mm-hmm. He said they have their reward from people. Mm-hmm. They already received their reward. Mm-hmm. Hey, good man, that is their reward. Mm-hmm. Very good. Mm-hmm. On peut voir qu'il est même écrit qu'ils ont leur propre récompense. Amen. Mm-hmm. So also is verse 4, then also to verse 6. Amen. Verset 4 et 6 maintenant. There's nothing wrong in, you know, blow trumpets for being there for Christ Jesus. Because you are not the doer. Without him, you cannot even do it. Mm-hmm. Denn ohne ihn kannst du es nicht mal tun. Deswegen hast du es nicht mal nötig, an die große Glocke zu hängen. Nein, es ist kein Problem, das an die große Glocke zu hängen. Weil du das durch Christus tust. Ach so, okay. Wir sollen es sogar an die große Glocke hängen, weil wir nicht damit das Fleisch loben, sondern Christus Jesus wird damit gefeiert. Amen. Et c'est pas un problème d'être fier ou de se vanter d'avoir aidé des enfants de Dieu, parce que tu le fais. Tu n'es pas capable de le faire de ta propre force, mais tu le fais avec Jésus-Christ. Donc ta fierté est t'es fier de Jésus-Christ à la fin et pas de toi-même. You know, here the Lord is saying, allow me alone to be known, and not you. Are you getting it? Mm. It's not about hiding it from people. Mm. It's about, you know, people even bring up money, they say, don't say it at that time. They want to quote here. Und es geht nicht darum, dass es Leute erfahren oder dass es groß gemacht wird. Die Frage ist, wer wird sozusagen groß gemacht? Ne? Über wen wird dann halt, wer wird gepriesen, wer wird gelobt? Ist es Christus oder das selbst? Et donc, il s'agit pas de faire les choses en cachette, non. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui vont dire, ouais, si elles te donnent de l'argent, ils vont dire, ah, ne le dis pas ou quoi que ce soit. Non, il s'agit de la raison pour laquelle tu fais cet acte. S'il s'agit du Christ, gloire à Dieu, tu dois même, tu es fier de ce fait. Are you getting it? Amen. Amen. Then in verse 3, but when thou doest alms, let not your left hand know what thy right hand doeth, that your alms may be in the secret. Secret. That secret means Christ. Are you getting it? Dieses Geheimnis bedeutet Christus. Afin que ton monde se fasse en secret. And ce secret est Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. And your Father, which is in secret, himself shall reward you openly. Amen. Mm-hmm. Then in verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. You know, I know, you know, there was a time, you know, people, every night they must pray. Mm-hmm. Amen. They love to pray. Every night they must wake up. If they do not wake up and pray, they will condemn themselves to death. Und es gibt Menschen, die glauben, dass wenn sie nicht jede Nacht aufstehen und beten, dann sind sie keine Kinder Gottes oder sonstiges und deswegen verurteilen sie sich zu Tode. Aber es geht nicht um den Menschen, sondern um Christus alleine. Er hat das Werk vollbracht. Il y a des personnes dans la religion qui se forcent à prier chaque jour ou se lèvent même pendant la nuit pour prier, et s'ils ne le font pas, ils vont se condamner à mort. Mais on doit être conscient qu'il ne s'agit pas de tes œuvres, mais de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. There's nothing wrong in blowing the trumpet you know, when you give people honor or give people whatever, because it's Christ that gave it to them. It's, you know, the motive behind it. The motive behind the prayer. He said, because, you know, look at it again. Now be as hypocrites are, for they love to pray in the synagogue and in the corners of the street, that they may be seen of men. You see the motive there. Das Motiv, there's a motive there tun. Connected to it. Es gibt ein Motiv, was da was damit verbunden ist. On peut voir que dans le verset 5, ils ont un motif. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Non, ça, c'est mauvais. If you want to look at that of verse 2, he said that they may have the glory of men. You can see the motive. Damit sie von Menschen gepriesen werden. Man sieht das Motiv. Et on peut voir aussi que la raison pour laquelle ils sont en train de le faire c'est, est aussi écrit dans verset 2, c'est pour avoir la récompense de l'homme. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What is the motive of your savings? Was ist das Motiv deiner Ersparnisse? Quelle est la raison de tes économies? Amen. In everything, allow our motive in to allem, Christ. Lass zu, dass dein Motiv Christus ist. Amen. Tu dois vraiment permettre que ton motif est le Christ en tout. Amen. You pray for people, in being there for people. Wenn man für Leute betet, wenn man für Leute da ist, Bible. Wenn man Bibel liest. Amen. You know, right. People, they just, you know, they don't love to read the Bible. Donc la raison pour laquelle que tu fais les choses à vraiment être le Christ, que ce soit même lire la Bible, si tu le fais pas dans le bon motif, c'est aussi mauvais. Que ce soit ça ou aider les gens ou faire quoi que ce soit, tout doit être basé sur le Christ. Amen. Amen. You know, like me, because the Bible is just inside me. Anders als ich, denn die Bibel ist in mir drin. Pour moi, par exemple, je ne lis pas régulièrement la Bible parce que la Bible est seulement en moi. Are you getting it? Amen. Christ is just inside. What is the Bible? It's Christ. Was ist die Bibel? Die Bibel ist doch Christus. Qu'est-ce qui est la Bible? C'est le Christ. Donc, et le Christ est en moi, donc la Bible est en moi. Amen. He said they always read, but they are never able to accept the truth. Sie lernen, aber sie verweigern die Wahrheit. Les gens sont en train de lire la Bible, même par cœur, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ouais, en train d'apprendre la Bible par cœur, mais ils répètent toujours la vérité. Amen. You know, people clap for them. Hey, you read the Bible all the time. And not Christ Jesus clap for them. Amen. Remember our prayer, our prayer of salvation. Erinnert euch an das Errettungsgebet. Rappelez-vous de votre prière de salut. The Lord, our Savior. Der Herr, unser Retter. My Lord and my Savior. Mein Herr und mein Retter. Who is there? Notre Seigneur, notre Sauveur. Lord Seigneur and Savior. Et Sauveur. Amen. Amen. Not just Savior. Nicht nur Retter. Pas seulement Sauveur. Mais aussi Seigneur. Lord means owner. Herr bedeutet Eigentümer. Donc Seigneur veut dire que il est notre maître, donc on l'appartient. You remember the word landlord? In Nigeria, they know what is landlord very well. Landlord, the land owner, the house owner. They call him landlord. Amen. There's the prayer of salvation. It means the Lord. You no longer own yourself, but the Lord owns you. You belong to him. You are now his property. Du bist jetzt der Besitz des Herrn. Du gehörst jetzt zum Herrn. So wie dieser Begrifflichkeit mit dem Vermieter sozusagen. In Nigeria ist das sehr bekannt, dass der Eigentümer des Hauses, die Person, die dir das Haus vermietet hat, sozusagen Herr über dich ist. Ne? Weil er kann die Miete erhöhen, er kann dich sozusagen jagen, wenn du die Miete nicht zahlst. Und deswegen in Nigeria hat man sehr viel Respekt vor diesem Vermieter, weil der einfach die das Leben zur Hölle machen kann, sozusagen. You don't pay your money, hey. Ja. Und deswegen kennen die Leute in Nigeria dieses Prinzip und erachten diesen Vermieter, diesen Eigentümer sehr. Und genauso ist ja auch Christus Jesus unser Eigentümer. Wir gehören ihm. On doit être conscient que Jésus-Christ, encore une fois, est notre propriétaire. On a été au Nigeria et là, on a aussi on a pu voir comment on a pu voir comment les gens valorisent leur propriétaire parce qu'ils savent que leur propriétaire, le propriétaire de la maison peut leur... peut les mettre à la porte à n'importe quel moment s'ils ne payent pas leur loyer, par exemple. Donc, on doit être vraiment conscient qu'on appartient à Jésus-Christ et qui est le propriétaire de nos vies. Praise the Lord. Hallelujah. The owner of your life, your body, your time. Le propriétaire de ta vie, de ton temps, de ton corps. Amen. Amen. Everything of you is not the owner. Tout. Et accepte ça, Eigentümer. Tout ce qui te concerne l'appartient maintenant. Amen. Amen. The owner of your so-called children. Der Eigentümer deiner sogenannten Kinder. Le propriétaire de tes enfants. Amen. Whatever you believe you have is now the owner, no longer you. Was immer du glaubst zu haben, er ist jetzt der Besitzer, nicht mehr du. Peu importe ce que tu crois posséder, c'est lui qui le possède maintenant, c'est lui qui est le propriétaire de ces choses. Even that job that you are doing, he is the owner. Selbst diese Arbeit, die du verrichtest, er ist derjenige, er ist der Eigentümer. Même le travail que tu as, que tu fais, c'est lui qui est le propriétaire. Amen. Amen. The owner of everything. Der Eigentümer von allem. Le propriétaire de tout. But is he really the owner of everything? Aber ist er wirklich dein der Eigentümer von allem in dir? Est-il réellement le propriétaire de ta vie et de tout ce qui est dans ta vie? Amen. Amen. Prove yourself. Du prüfe dein Leben. Examine ta conscience. If he is the owner of your children, ob er der Eigentümer deiner Kinder ist, dann wird er werden deine Kinder auch ihm gehorchen, sich ihm auch ergeben. Et s'il est réellement le propriétaire de ta vie, s'il est vraiment le propriétaire de tes enfants, tu vas te soumettre à Jésus-Christ. If he is the owner of your time, then your time, coming to church will not be a burden for you. No matter the distance. Gemeinde zu kommen, keine Hürde für dich sein, egal wie weit weg es ist. S'il est vraiment le propriétaire de ton temps, par exemple, partir à l'église, aller à l'église, va jamais être un problème pour toi, peu importe quelle heure il est ou alors la distance. Amen. Amen. If your where you live is too far, why don't you change your home? Wenn du so weit weg lebst, wieso ziehst du da nicht um? Why can't you change your home for Christ? Weil es gibt tatsächlich Menschen, die wegen der Arbeit umziehen, wegen der Uni umziehen, wegen einer Beziehung umziehen. Aber wieso tust du es dann nicht wegen Christus? Et s'il est réellement le propriétaire de ta vie et ton église est si loin, pourquoi tu déménages pas? Parce qu'il y a des gens qui déménagent pour l'amour de ce monde ou pour les travail. Prove yourself. Is he really, you know, is he the one that owns you? Ist Christus die Person? You really belong to him fully. Bist du wirklich vollkommen zu ihm? Tu dois vraiment t'examiner. Est-ce que tu appartiens réellement et totalement au Christ? Is he the owner or you are the owner? Ist er der Eigentümer oder bist du dein eigener Eigentümer? Est-ce qu'il est le propriétaire de ta personne, de ta vie ou toi-même tu es toujours en charge? Is he that Christ or Satan? Entweder ist Christus dein Eigentümer oder Jesus? C'est toujours, c'est soit le diable ou Jésus-Christ qui est le propriétaire. Amen. Amen. If Christ is not the owner, it's automatic Satan is the owner. Mm-hmm. They are the only two that control here. No man can control here. Wenn Christus nicht dein Eigentümer ist, dann ist der Satan. Control the physical world. Que tu l'aimes ou pas, que tu l'acceptes ou pas, si Jésus-Christ n'est pas la personne à qui tu appartiens au diable. Peter said we left all. What about you? Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. Was mit ihr? Pierre a dit qu'ils ont tout quitté. Est-ce que toi t'as tout quitté? What is keeping you away from the house of Christ? Was hält dich fern vom Haus Gottes? Qu'est-ce qui t'écarte ou qui t'empêche à être dans la maison de Dieu? That very thing is said to destroy you. Diese eine Sache ist da, um dich zu zerstören. Cette chose là est là pour te détruire. Whatever you live, you refuse to live, we always take you away from him. Was du nicht loslassen kannst, würde ich immer von ihm wieder wegnehmen. Et ce que tu refuses à quitter, à laisser, c'est cette chose qui va t'écarter de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Deutéronome 7. Amen. If we quickly read from 1 to 8. De 1 à 8. Hier geht es um unsere Errettung. Ici, il s'agit de notre salut. Amen. Here he's talking about our salvation. Geht es um unsere Errettung. Ici, il parle de notre salut. When the Lord your God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it. We are already out of. We are in this world, but not of this world. Wir sind auch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Amen. Nous sommes dans ce monde, pas de ce monde. Okay, shut. Mm-hmm. Are we finished? Yeah. Okay, good. Amen. He took you out of the world. Er hat dich aus dieser Welt rausgenommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Il t'a retiré de ce monde. You look at Abraham. He said, "Leave your father country. Leave." You know, he always take us away from where we are before. Der Herr nimmt uns mal weg von dem Ort, wo wir waren. Leave there. Il a dit par exemple à Abraham de quitter la terre, le pays de son père. Donc l'Éternel nous retire toujours de l'endroit où on se trouvait. Amen. Praise the Lord. Alléluia. When the Lord your God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittite, the Gergesite, and the Amorite, and the Canaanite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, seven nations greater and mightier than thou. And when the Lord of God shall deliver them into thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy upon them. Praise the Lord. Are we still one with the dead? Sind wir immer noch eins mit den Toten? Est-ce qu'on est toujours un avec les morts? Are you getting it? Those he called the dead. Die Leute, die er die Toten nennt. Les gens qu'il appelle morts. That's what he's saying here. Das sagt er hier. C'est ça qu'il nous dit ici. He said, "Thou neither shalt thou make marriages with them. Your daughters thou shalt not give unto his son, nor his daughter shall thou take unto your son. For there will reason." You not talk about the reason why I said no. The Lord said no. Amen. Amen. It's not without reason. Nicht ohne Grund sagt er nein. Et ici, il va nous dire maintenant dans verset 4 la raison pour laquelle il dit non. He said, "For they will turn away your son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. But thus shall you deal with them. You shall destroy their altars and break down, you know, their system. And break down their images and cut down their groves. And burn their graven images with fire. For thou art an holy nation, an holy people," verse 6, "unto the Lord your God. The Lord your God has chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor chosen you because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. Like me, I know nothing. Without him, I know nothing." So wie ich ohne ihn kenne, weiß ich gar nichts. Comme moi, par exemple, sans lui, je ne sais rien. No English, no Dutch, no Benin, nothing. Kein Deutsch, nichts. Kein Englisch, kein Deutsch. Are you getting it? Pas. Je parle pas l'anglais, je parle pas le français, rien. Amen. Amen. There's nothing that qualified me. Es gibt nichts, was mich qualifiziert. Il y a rien qui me qualifie. He said, "But because the Lord loves you, he loves me." Der Herr liebt mich. Mais parce que, mais l'Éternel m'aime. And because he won't keep the oath, which he has sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand. He swear with my father, Jesus Christ, And said, he said, I will be out of there. Mm-hmm. And I'm out of there. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He said he will do it, and he really did it. Il a dit qu'il va le faire, il a réellement fait. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Once you come to Christ, wenn es um Christus geht, quand il s'agit du Christ, amen. But this here is not for only the first church. It's for you and me also. Amen. Amen. What we have is even greater than what they have. Amen. They have nothing. They only have the flesh. We have the spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. À savoir que ceci n'était pas seulement valable pour la première église, mais aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Eux, ils ont eu seulement la chair, mais aujourd'hui, nous, on a l'esprit. Anytime you are reading all these places, you see yourself there. À chaque fois que tu vois ces passages, t'imagines toi-même dans ce temps-là, dans... Ouais. Amen. The Lord said everything written in the Bible, they were written of Him. Amen. And they are of Him. And He is in us today. It means they are of us. Und er ist in uns heute, deswegen ist es von uns. Tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu et Dieu. Et en nous aujourd'hui, donc tout ce qui est écrit dans la Bible vient de nous. Praise the Lord. Yeah. Once you come to Christ's kingdom, it must be all. Wenn es um das Königreich von Christus Jesus geht, muss es alles sein. Donc quand il s'agit du royaume des cieux, ça doit toujours être, il doit tout doit être pour lui. Amen. Yeah. Remember Matthew 13. Tout doit être dedans. Amen. Amen. Matthew 13 is very popular here. Amen. Matthew 13. From verse 44 to 46. Sell all. Ils ont alles verkauft, um alles zu empfangen. Matthew 13 nous dit de tout vendre pour tout recevoir. Amen. Amen. He said, when he find that pair of, you know, God has a heavy price, he sell all to have alles, all. Um es zu haben. Quand le marchand a trouvé cette perle précieuse, il a tout vendu pour tout recevoir, pour l'avoir. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The religious world gives some. The people can choose what they give. Gibt einiges, sie entscheiden. But Christ said all. Aber Christus sagt alles. La religion nous dit de donner certaines choses, mais Jésus-Christ nous dit de tout donner. Amen. Amen. Again, Mark 10. Marcus 10. Mark 10. The people can choose what they give. Sie entscheiden, was sie geben. Amen. Mark 10, on peut voir qu'ils choisissent quoi donner. Amen. Et quoi garder. You remember this man, this young ruler. The rich man. Amen. Si tu te rappelles du jeune homme riche. Are we dead, please? Amen. Amen. From verse 17. Marcus 10:17. Verset 17. And when he was go forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, good master, what shall I do that I may inherit the kingdom? They inherit eternal life. And Jesus said unto him, 18. Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. He claimed to obey all. Er behauptete alles zu befolgen. Il a dit qu'il a obéi à tous les commandements. Amen. Amen. The people can choose what they obey. Sie entscheiden, was sie glauben, was sie befolgen und was nicht. Et c'est eux qui s'entraînent de choisir ceux qui obéissent et quels commandements ils suivent. Amen. He was used to giving God some. Er war daran gewöhnt, Gott einiges zu geben. Il était habitué à donner certaines choses à Dieu. Amen. Mais praise the Lord. Alléluia. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross, and follow me. Praise the Lord. Amen. Jesus now said, I need all. Und Jesus hat aber alles verlangt. Et Jésus-Christ lui a dit qu'il veut tout avoir. No longer some, but all. Nicht nur einiges, sondern alles. Pas certaines choses, mais tout. Amen. Amen. Anytime you say all, there's sadness. Gibt es Trauer. Et à chaque fois qu'on dit tout, il y a toujours la tristesse. Verset 22. He was sad. Er war traurig. Il a été triste. And went away grieved, for he had great possessions. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Amen. They hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Ils détestent la vérité. It makes them sad. Die Wahrheit macht sie traurig. La vérité les a tristes. Amen. Amen. They left with sadness. A lot have left here with sadness. Viele sind schon traurig weggegangen aus der Gemeinde. Mm. Beaucoup de gens ont déjà quitté cette église triste. Amen. Mm. En tristesse. Yeah, praise the Lord. Amen. You know, religious heart is a heart of, it's an evil heart. Ein religiöses Herz ist ein bösartiges Herz. Un cœur religieux et un cœur mauvais. The same money, or even food, clothes. Geld, you know, to Kleidung, you know, the orphan. Orphan, you know, I had somebody told me some time ago they send money to the orphanage home in Nigeria. Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. Such an evil. Sie schicken Geld an Waisenhäuser, aber das ist bösartig. Mm-hmm. Ils envoient de l'argent aux orphelinats, mais c'est mauvais. Amen. Mm-hmm. Amen. Is it because you know do they really love those people that they send money to? Est-ce que or they love themselves? Est-ce qu'ils aiment vraiment réellement ces enfants dans les orphelinats ou ils aiment leur propre personne? Liebt man wirklich diese Leute, denen man Geld schickt, oder liebt man sich selbst? Amen. Is it because those people are hungry or these people that are sending things to them, they are in need of something? Ist es, weil diese Leute hungrig sind oder weil die Leute, die man denen man was schickt, dass sie hungrig sind nach etwas, dass sie etwas brauchen. You know, let me say it this way. If some people are looking for something, they always believe until they give out, they cannot receive. They are not giving out because they want to give to those people. They want to give out because they want to receive. I don't know if you understand it. Es gibt ein paar Menschen, die geben, um zu empfangen. Sie geben nicht, um Leute zu segnen, um Leuten zu helfen. Es geht einfach um ihren eigenen Profit. Mm. Y a certaines personnes qui donnent seulement pour recevoir à la fin. Leur motif et leur propre intérêt. Mm. You know, somebody said he was looking for something to be done. He wanted something to be done in her life. And she could not achieve it. And the Lord now said to him, she should send money to some people. And these people do not believe in Christ. But she should send money to them. And so that I can get it. But now send money. So you can see the motive behind the sending. Are you getting it? If you give your body to be burnt, it profits you nothing. Wenn du Körper hergibst, damit er verbrannt wird und es nicht um Christus willen ist, nützt es nichts. Jemand hat mal gesagt, dass er vom vermeintlichen Herr die Aufgabe bekommen hat, etwas zu geben an Ungläubige, damit die Person etwas empfängt. Und das zeigt sich, dass dieses Geben nicht dazu da war, um Leuten zu helfen, sondern es ging einfach darum, selber was vom Herrn zu empfangen. Il y avait une personne, je me rappelle, qui avait dit que elle a donné de l'argent ou quelque chose aux gens de ce monde pour elle-même recevoir quelque chose. Donc on peut voir que le motif n'était pas le Christ, mais la propre personne, elle-même. Amen. La personne elle-même. Praise the Lord. Et la Bible nous dit que tu peux même sacrifier ton corps ou même brûler ton corps, mais si tu ne le fais pas pour le Christ, ça ne te sert à rien. The Lord is after all. Der Herz hinter allem her. Notre Seigneur veut tout avoir. And not after your picking and choosing. Und nicht hinter unserem unserer wählerischen Art, dass wir wählerisch sind gegenüber seinem Willen. Ja, notre Seigneur veut tout avoir et pas les choses qu'on Mark veut lui donner. Mark 12. On va clôturer avec Marc 12. Marc 12. Praise the Lord. Alléluia. And Jesus sat over against the treasure and beheld how the people cast money into the treasure. And many that were rich cast in much. They cast in much. Viele Reiche legten viel ein. Amen. Beaucoup It was much, but not all. Okay. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Amen. They tip God. Viel, aber nicht alles. Sie haben Gott sozusagen Trinkgeld gegeben. Ils ont donné beaucoup, mais c'était pas tout. Donc ils ont donné à Dieu du pourboire. They cast in much. Sie haben viel, but not all. Aber nicht alles. Donc ils mettaient beaucoup, mais pas tout. Verse 42. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a fatling. Verse 43. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasure. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. The Lord is after all, and not after small or some. No matter how many Notre they Seigneur might peut be, tout avoir et pas seulement certaines choses. Egal wie groß es ist, aber es muss alles sein. Amen. Amen. Amen. Amen. You can see this woman did not tip God. Diese Frau hat Gott nicht einfach nur Kleingeld gegeben. On peut voir que cette femme n'a pas seulement donné du pourboire à Dieu. A lot want to tip God. Viele wollen aber Gott nur tip a beggar, not God. Aber einem Bettler gibt man vielleicht bisschen Kleingeld, was noch übrig geblieben ist. Mm. Aber Gott geben wir alles. Mais le pouvoir, tu donnes ça seulement à un mendiant, mais pas à Dieu. Christ is not a beggar. Christus ist kein Bettler. Mm. Jésus-Christ n'est pas un mendiant. Amen. Amen. She did not give some like others, but all. She gave, you know, she did not give some. This woman did not give some like others. Mm. And so also the Lord himself, he gave all to save us. Genau wie diese Frau alles gegeben hat, hat auch der Herr alles gegeben, um uns zu retten. Tout comme cette femme a tout donné, notre Seigneur a aussi tout donné pour nous sauver. Amen. Amen. The Queen of Sheba, Solomon. Solomon had more than the Queen of Sheba. But the Queen of Sheba did not see what was there. He was after giving all. Amen. If you look, God also go to Acts 4 and 5, Ananias and Sapphira. They gave some. What they refused to give, destroyed them. Und auch die Königin vom Süden, die, als sie zu König Solomon gegangen ist, hat sie auch ihm vieles gegeben, hat ihm fast alles mitgegeben, obwohl er wohlhabend genug war, um sie selbst sogar zu kaufen, theoretisch. Aber dennoch hat sie ihm vieles mitgebracht und ihm alles übergeben, mit ihm vielem gerechnet. Und genauso war auch bei Ananias Sapphira im umgekehrten Fall, wo sie sich geweigert haben, alles zu geben und das ihnen zum Verhängnis wurde. On peut voir que avec la reine de Saba, quand elle est partie voir Salomon, elle lui a ramené des cadeaux malgré que Salomon était beaucoup plus riche qu'elle. Et Ouais, c'est comme ça qu'on doit être. On doit tout donner, tout ce qu'on possède à Dieu. Parce que Dieu n'est pas, encore une fois, n'est pas un mendiant. On ne doit pas lui donner seulement du pourboire ou des pièces qui nous restent. Non, on doit tout lui donner. Whatever you refuse to do. Et un autre exemple où des gens ont voulu seulement donner leur pourboire à Dieu, c'était Anani. Et Saphira, ils n'ont pas tout donné, ils ont seulement donné un certain montant, mais le reste, ils ont gardé pour eux. Amen. Et c'est ça qui les a détruits. Amen. Whatever you refuse to give, was immer wir uns weigern zu verlassen, take you out of it. Wird uns von ihm wegnehmen. Donc, tout ce que tu veux garder pour toi, ce que tu refuses à donner à l'Éternel, c'est ça qui va t'écarter de l'Éternel, c'est ça qui va te détruire. Amen. You think you are the only one that know what you refuse to give. Mm. Wir denken, wir sind die einzigen, die wissen, was wir nicht abgeben möchten. Satan knows what you refuse to give. On est la seule personne à savoir ce qu'on refuse à soumettre à Dieu, mais le diable le sait aussi. You better give all. Der Satan weiß, was wir nicht abgeben können, deswegen gib lieber alles. C'est la raison pour laquelle donne tout. Amen. Amen. Open your heart completely. Let it be empty. Das was leer. Empty all for Christ Jesus. Let everything out. Ouvre ton cœur, vide ton cœur complètement afin que Jésus-Christ peut s'installer. Amen. Amen. If he can save Mary Magdalene, there's no one he cannot save. Wenn er Maria Magdalena gerettet hat, dann gibt es niemanden, den er nicht retten kann. Si Jésus-Christ a sauvé Marie Magdalene, il n'y a personne qui ne peut pas sauver. Mm. Remember the thing we watched. If he could save that man, what was his name? Ishauru. There's no one he cannot save. Amen. Amen. Wenn er diesen Hexenmagier aus diesem Dorf erretten konnte, gibt es niemanden, den er nicht erretten kann. Si Jésus-Christ a pu sauver le magicien dans le film qu'on a vu, et Charou, il n'y a personne qui ne peut pas sauver. Amen. But you must allow him to save you. Aber du musst zulassen, dass er braucht deine Kooperation. Mm-hmm. Mais tu dois permettre que Jésus-Christ te sauve. Il a besoin de ta coopération. It's like the other thing we watch. You remember? That girl refused to be saved. That girl from the other side. That destroyed that pastor. That so-called pastor. Amen. The Lord can save anyone. But she refused to be saved. Der Herr kann jeden retten. Aber dieses Mädchen, diesem anderen Film beispielsweise, was aus der teuflischen Welt kam, hat sich geweigert, gerettet zu werden. Et dans l'autre film qu'on avait vu, qu'on peut voir que Jésus-Christ peut tout sauver tout le monde, mais il y avait la femme là qui a mené le pasteur vers la détresse avait refusé à être sauvée. Amen. Amen. The question is, do we want to be saved? Die Frage ist, wollen wir errettet werden? Et la question est-ce que on veut être sauvé? Praise the Lord. Alléluia. Amen. We continue with Christ our Savior on Wednesday as the Lord permits. Next week we continue with Christ our Savior. Our testimony also. Amen. Unsere Zeugnisse auch. As we are here. Yes. Amen. Ja. Die Zeit von Christus ist immer unsere Zeit. Le temps de Dieu est toujours notre temps.